voyage, tu es à Porto Rico, tu es à Venezuela, tu voyages tous les jours, tu es à Panama, tu es à Porto Rico. Jamais à la maison, tu voyages tous les jours, tu voyages en avion, à Porto Rico, Porto Rico, à Venezuela, Venezuela, à Panama, Panama, à Bogota, Bogota, à Porto Rico, Porto Rico, à Venezuela, Venezuela, à Porto Rico. Voyage toujours sans moi.